Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Catherine Écran. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. C'est vraiment une super opportunité qui me permet de mettre de la cohérence dans mon travail, puisque la NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs et porteuses de projets sociaux, écologiques et culturels. Aujourd'hui, Catherine, nous échangeons à distance et nous allons parler avec toi de comment recréer un lien le plus étroit possible entre les agriculteurs et les citoyens, ce que tu, toi, t'évertues à faire grâce à la création notamment d'une AMAP et plus récemment d'une plateforme digitale dont tu nous diras tout à l'heure. Plus largement, nous allons discuter de l'importance du local, du pouvoir des citoyens pour faire bouger les choses et du rôle des agriculteurs dans la transformation écologique de nos modes de vie. Alors bien sûr, on va vite partir en 2030 glorieuse avec Catherine, mais avant, je prends quand même 30 secondes pour vous dire que le guide de conversation utopique est toujours en campagne de financement participatif sur zest.coop. On a dépassé les 50% du premier palier, donc c'est vraiment génial. Et à la fois, il faut qu'on atteigne à minima les 100% pour lancer l'impression du guide. Et puis surtout, vous qui aimez voyager avec nous en 2030 glorieuse, je suis sûr que la création d'un site internet dédié aux 2030 glorieuses avec tout un tas d'outils, ce qui correspond aux 150% de la campagne, puis la création d'un cycle de conférences sur le pouvoir des utopies qui correspond aux 200% et donc au troisième palier, ça serait vraiment génial et puis je suis sûr que ça vous intéresserait. Là par exemple, on vient de faire une vidéo sur le pouvoir des utopies en live Instagram avec Sandrine. Franchement, c'est passionnant, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu et ça donne un aperçu de ce que j'aimerais faire qui serait du coup professionnalisé, remonté dans de meilleures conditions et franchement ça donne un bel écho à tous ces voyages qu'on fait dans le podcast 2030 Glorieuse, donc je vous le redis, le crowdfunding il est disponible encore pendant quelques semaines, mais ça va aller vite, n'hésitez pas à nous soutenir, chaque contrepartie compte, et puis si vous pouvez aussi le relayer autour de vous, largement ça nous fera le plus grand bien. Voilà, c'est l'occasion pour vous de voyager en 2030 Glorieuse, vous allez sentir cette énergie qu'on va dégager avec Catherine tout du long de notre conversation, et ça c'est exactement ce que vous pouvez faire avec votre entourage, avec vos collègues, avec vos amis, ça serait quand même dommage de s'en priver, donc venez nous soutenir sur le financement du guide des conversations utopiques sur zest.coop. Voilà, c'est dit. Pour commencer cet échange, Catherine, je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début de l'interview. Ça y est, les soirées reprennent, les rencontres avec des inconnus aussi. Imagine que tu échanges pour la première fois avec une personne et la question fatidique arrive. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu lui réponds à cette personne? Le blanc. Alors, je suis désolée, mais je vois pas ce que je vais répondre, qui je suis. Bah oui, tu sais, en général, souvent, on se dit « Hey, toi, tu fais quoi dans la vie ?» On se définit beaucoup par notre travail. Et là, le fait que toi, tu ne saches pas répondre, d'ailleurs, dit quelque chose d'intéressant. Non, c'est parce que je sais jamais, ce qui est très compliqué, par quoi je commence, ça dépend vraiment de l'interlocuteur. Et je suis plus quelqu'un qui pose des questions et qui écoute et qui embraye par rapport à, voilà, au lien qu'on peut tisser par rapport à ce que l'on fait réciproquement, parce que de par mon profil, j'ai de multiples casquettes d'une certaine façon, très modestement, mais j'ai de multiples casquettes et voilà, moi j'ai besoin de l'humain, j'ai besoin de voir les gens pour échanger avec eux et face à un micro, c'est toujours plus compliqué. Ouais, je comprends bien. À la fois, nous, Catherine, ça fait quelques années qu'on se connaît, tu as été entrée en contact avec moi pour justement raconter ton expérience de création d'une AMAP sur le site sacommenceparmoi.org. Et du coup, c'est pour ça que je suis revenu vers toi aujourd'hui, notamment, et pas que, parce qu'en plus, il y a une double casquette là, et une évolution de ce projet dans la continuité, j'ai l'impression, mais on en reparlera tout à l'heure. J'aimerais bien que tu me racontes justement ce qu'il y a derrière cette casquette de créatrice d'une AMAP, pourquoi tu t'es lancée, tu m'en dises un peu plus, on commence par ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, c'est très simple. Pourquoi on lance une AMAP ? Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps. Rassurez-vous, les moins de 20 ans pourront connaître ça. C'était en 2009. J'étais très fatiguée sur une ville de plus de 85 000 habitants, d'avoir quelques marchés et de n'avoir que très, très, très peu de producteurs. À savoir quasiment pas. Il y avait quasiment que des revendeurs. Et il y a un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Où est la connexion avec les producteurs? On avait l'habitude, plus jeune, d'aller sur des marchés, de discuter de la saison, des produits, de la récolte. Et là, impossible de le faire avec des revendeurs. Donc, tout simplement, le hasard de rencontre a fait que un de mes voisins avait envie de faire quelque chose. On avait entendu déjà parler des AMAP, bien moins que maintenant, mais malgré tout, on s'est dit, tiens, si on le faisait. Et puis, la conjonction toujours de plusieurs personnes qui s'associent. Moi, j'avais l'habitude de discuter un peu avec les élus de ma ville parce que j'étais déjà déléguée de parents d'élèves, etc., comme souvent. Et je connaissais quelques élus. Et nous avons fait la tournée des popotes des élus du moment pour trouver un espace sur la ville, trouver un producteur, on l'avait déjà. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, on a réussi à ouvrir cette première AMAP qui a rencontré un franc succès dès le début, et puis ce succès est toujours au rendez-vous d'ailleurs. Oui, on parle de l'AMAP bio devant, et ce qui est intéressant, c'est que toi, en fait, le monde de l'agriculture, le lien avec l'échange commercial et tout ça, c'est pas forcément quelque chose que tu cultivais, que tu avais au préalable avant de lancer cette AMAP. Alors, comme beaucoup de Parisiens, j'ai été élevée en province. Qui dit province dit pas forcément campagne. Moi, je suis pas hypocrite, je suis plutôt une citadine au départ, toujours tournée vers la campagne avec des maisons de campagne. On allait à la campagne forcément, on allait voir, et je me suis toujours intéressée au domaine agricole, de comprendre, à telle saison, c'est tel produit qui pousse, de cultiver le jardin de mon grand-père et d'aller voir qu'est-ce qu'il avait dans son jardin. J'ai toujours aimé ça finalement, et aimé le contact avec cette nature sans être particulièrement quelqu'un qui a absolument la main verte. Alors c'est un passage un peu obligé au bout d'un moment, parce qu'on se dit moi je vais le faire aussi, mais malgré tout on n'est pas obligé de vivre à la campagne pour s'intéresser au domaine agricole. Ça n'a pas été mon cas, et ça s'est imposé naturellement à moi, puisque je crois que c'est vraiment important de se connecter à la nature pour comprendre comment on s'alimente et comment on avance. Il y a une connexion nécessaire pour moi, et peut-être agrémentée de lecture aussi en parallèle de tout ça. Et comme tu le dis, c'est une expérience qui date de 2009. Et donc, de ce que j'entends, puisqu'en 2009, ce qui est clair, c'est que les sujets écologiques étaient beaucoup moins dans les priorités des Français qu'ils le sont aujourd'hui. Ce que j'entends, c'est que toi, derrière la création de cette AMAP, tu avais plus l'envie du lien au producteur plutôt que le souci vraiment écologique, même s'il était sans doute pas loin. Alors, moi, je crois que je vais en choquer plus d'un. Moi, je ne suis pas une militante écologiste. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense que l'écologie, c'est comme, d'une certaine façon, le social. Ça doit infuser à tous les étages. On n'a pas besoin de faire politique spécialement. Certains ont besoin de porter haut et fort, et je les respecte. Mais pour moi, tout le monde en soi devrait porter ces valeurs-là. C'est du bon sens. Ce sont des valeurs de bon sens, tout simplement. Alors, une AMAP, oui, et il y en a encore, et particulièrement dans les jeunes générations qui ne connaissent pas le mot d'AMAP. Alors je pensais que c'était vraiment un mot qui était aujourd'hui connu de tous, mais comme quoi, c'est un éternel recommencement de toujours expliquer ces notions-là. Donc, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, c'est le principe consiste à réunir un groupe de familles dans un quartier, dans une ville, dans un village, dans une entreprise, entreprises, pour certaines aussi, dans des associations, de réunir un groupe de consommateurs et donc autour de producteurs. Au départ, c'est toujours un maraîcher, et puis ensuite s'ajoutent quelques producteurs et parfois des artisans également. Donc une AMAP, ça permet aussi de garantir aux producteurs, par l'implication des consommateurs, qu'on appelle adhérents, nous chez Biotuco, on les appelle biocavores, ça permet de savoir à l'avance le chiffre d'affaires que va faire le producteur et de savoir à l'avance que sa production va être vendue auprès de ce groupe. Et donc, il y a des vraies valeurs de partage. Ça permet à des jeunes qui s'installent aussi d'être assurés d'avoir un groupement d'achat auprès donc d'adhérents qui veulent encourager les gens à s'installer. En général, la plupart des producteurs en AMAP sont labellisés AB, avec à quelques rares exceptions. Ce que j'entends, c'est que l'AMAP, en fait, au-delà effectivement de l'impact écologique et du lien social sur lequel j'aimerais t'entendre un peu plus tout à l'heure, c'est aussi en fait un renversement économique, puisque la prise de risque est sans doute moindre, dans le sens où le consommateur n'est plus juste un consommateur final, ni même presque un client, mais il devient une partie prenante d'un projet agricole dans lequel il assure aux récoltants en fait une stabilité, une capacité à voir un peu dans l'avenir sans toujours avoir le stress d'une récolte florissante, d'une vente qui sera aussi pleine de succès. Et là, il y a quand même un renversement économique qui est assez fort, hein. Et puis, il y a une volonté, pour moi, qui est farouche, c'est d'arrêter tous ces intermédiaires qui finissent par gagner plus leur vie que celui qui produit. Donc, on aura l'occasion de parler de circuits très courts, puisque aujourd'hui, la notion de circuit court, c'est un peu du greenwashing. Donc, et c'est vrai qu'il y a le lien social sur une commune, bien sûr, parce que les gens apprennent à se connaître, partagent des choses en commun. Et le pouvoir est dans nos assiettes, hein, dans notre façon de consommer, puisque finalement, en allant en AMAP, on encourage une économie qui est fortement différente de ce que l'on peut trouver. Alors, j'ai pour coutume de ne pas vouloir absolument opposer les gens. Je pense qu'on a besoin de certains commerces dans les villes, parce que ça crée aussi une animation de rue, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un équilibre entre tout ça, et qu'aujourd'hui, la vente directe représente un très très faible pourcentage des ventes en alimentaire, et c'est dommage. C'est vraiment important qu'on avance dans ce sens-là. Oui, je lisais d'ailleurs un article qui me permet de rebondir sur ce que tu es en train de dire, qui lui disait, super, le réseau AMAP est en plein boom, des milliers d'AMAP en France, on voit un vrai engouement, et à la fois, il sera littéralement impossible de remplacer le système des supermarchés par un système qui ne reposerait que sur les AMAP. Est-ce que toi, tu en penses quoi ? Bien sûr. Mais bien sûr, il s'agit... Alors, les AMAP, il y a un boom de la consommation responsable. Les gens veulent consommer mieux, veulent consommer responsable. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 AMAP en France. C'est un chiffre qui stagne. Il y a autant d'AMAP qui se créent que d'autres qui ferment. Après, l'AMAP, c'est un tissu bénévole. Donc, c'est au gré de la bonne volonté des gens qui s'occupent. Il y a des AMAP qui marchent très, très bien et depuis très longtemps, et d'autres qui ont plus de mal parce que soit les bénévoles qui s'en occupent le font comme un travail bénévole et pas trop professionnel, ce qui à un moment est compliqué pour les producteurs aussi, ou parce que la MAP est trop enclavée et que il y a une offre diversifiée qui est beaucoup trop importante, ce qui justifie moins la création des AMAP. Mais voilà, c'est une sorte de sacerdoce, me disent par moment certains adhérents, que d'être en AMAP, parce que ça implique de venir toutes les semaines chercher son panier. Ça implique beaucoup de... Ça implique, d'une certaine façon. Après, c'est voulu, donc on le fait avec plaisir. Mais par moments, c'est un petit peu lourd, et on aura l'occasion de parler de la digitalisation des AMAP dans quelques minutes, je pense. Oui, dans quelques minutes. Laisse-moi encore une ou deux questions, parce que toi qui as cette expérience, là, on parle de plus de 10 ans quand même d'expérience de la création de cette AMAP, j'aimerais que tu me dises deux choses. Déjà, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Et puis ensuite, que tu me partages peut-être les conseils pour faire en sorte que les personnes qui ont envie soit de créer une AMAP, soit de rejoindre une AMAP, puissent s'y mettre dès la fin de cet épisode. Alors, je crois que oui, moi je crois que si c'est à refaire, je le referais. Mais alors vraiment sans discuter. Je crois que vraiment le mouvement des gens qui s'engagent, hein, de l'achat groupé, de l'achat en circuit court, est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel. Ça peut être dans le cadre d'un CE d'entreprise, d'une ville, d'une municipalité, même pour les salariés de la municipalité, on le voit aussi. Ça peut être sous différentes formes. Le principe des AMAP est un peu contraignant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, il y en a que 2000, ce qui est déjà bien, et qu'il n'y en a pas beaucoup plus parce que les contraintes sont trop importantes et c'est ce qu'on a voulu changer quelque peu, sans dénaturer, en proposant un outil digital de gestion d'abonnement. Voilà, donc le digital peut permettre vraiment d'avancer. Bien sûr, c'est une super passerelle, effectivement. Et quelques conseils peut-être pour les personnes qui aimeraient lancer leur AMAP, les bons tuyaux de Catherine, ça donnerait quoi? Les bons tuyaux, c'est de commencer déjà avec au moins une vingtaine de familles, prendre contact avec moi pour que je leur donne les noms des producteurs de leur coin, ça, ils gagneront du temps, ça, avec grand plaisir, d'avoir de l'énergie, d'avoir du doigté et de la souplesse pour aller voir les élus locaux, parce que tous ne sont pas ouverts, bien que de plus en plus, malgré tout. Parce qu'il faut savoir parler à un élu, et le passé m'a montré que certaines personnes ne savent pas parler. On est habitant, on exige un lieu, et quand on exige, on n'obtient pas grand-chose. Donc, et il faut de la ténacité, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut, et puis de la bienveillance, voilà, tout simplement. Ouais, super. Et de la bienveillance, comme tu le dis. Et puis aussi, de la capacité, effectivement, à lire entre les lignes, à dépasser parfois, les solutions un peu trop simples ou le greenwashing, comme tu disais, parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde parle de circuit court. Et justement, du coup, pour continuer, et donc j'imagine que toi, tu avais aussi envie de changer d'échelle, d'avoir encore plus d'impact dans ton travail de rapprochement des agriculteurs, des citoyens. J'aime pas le mot consommateur, donc je continuerai à utiliser le mot de citoyen. Tu veux dire biocavor. Voilà, des biocavor. Vous avez lancé la plateforme bio tout court. Exactement. Alors, ça a été tout naturel, de la même façon que ça m'a paru très naturel en 2009 de créer cette AMAP, ça m'a paru tout naturel. Le fruit d'échange avec un de mes adhérents qui est expert du digital, dont le métier était de faire des sites internet pour des entreprises, pour beaucoup de sociétés. On s'est mis à discuter autour d'un café en se disant, mais il y en a un peu ras-le-bol de ces chèques, de ces contrats papier qu'il faut signer. Il y aura pas alors on s'était un peu digitalisé, mais avec les outils, des outils un peu bancals d'une certaine façon, ça pouvait marcher, mais il y avait toujours cette fameuse récolte d'échecs deux fois par an, puisque nous étions sur 6 mois de renouvellement d'abonnement, et cette récolte de chèques, moi j'en étais à plus de 2000 chèques par an, puisque j'avais une bonne quinzaine de producteurs avec moi, une centaine de familles, et c'est vrai que c'était énorme et beaucoup trop de travail bénévole, je dirais administratif, pas intéressant. Ce qui est sympa quand on est responsable d'une AMAP, c'est de faire vivre son groupe, faire des animations, tchatcher avec les gens, créer du lien. Dans le cadre de mon AMAP, les gens finissaient par partir en vacances ensemble, hein. Ils s'étaient rencontrés à l'AMAP et puis ils buvaient un apéro, etc. Et on est vraiment dans cette... Et c'est ça pour moi la vie d'une AMAP, c'est d'aider en priorité, bien sûr, nos producteurs, nos adhérents, créer du lien sur sa commune, de la convivialité, faire en sorte que les gens se rencontrent. C'est souvent les écoles qui fédèrent ce genre de choses parce qu'on va tous emmener nos enfants à l'école le matin et puis on fait connaissance, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Il y a le monde associatif classique autour d'un sport, d'une activité manuelle, etc. Et pourquoi pas autour de l'alimentation? Et les AMAP répondent trait pour trait à ce besoin. Et donc, globalement, on s'est mis à discuter avec Guillaume. Et avec Guillaume, on s'est dit, et si on le faisait? Voilà, c'était comme une sorte de pari. On avait testé un peu des outils qui existaient, qui aidaient les AMAP, mais qui étaient un peu des outils un peu trop bidouillés pour nous, qu'il fallait quasiment être informaticien pour s'en servir. Donc on s'est dit, nous, on va faire un outil facile d'utilisation, aussi bien pour le biocavor, l'adhérent, que pour le circuit court, les membres du bureau qui animent, les référents des contrats, comme on dit en AMAP, qui animent, mais également pour les producteurs, parce que parmi parmi les producteurs, il y a des jeunes générations, alors eux, tout va bien, l'informatique, tout va bien, mais il y a aussi des producteurs qui ont dépassé la cinquantaine, qui, eux, ont surtout été sur leur terrain et ne sont pas toujours très, très à l'aise avec l'outil informatique. Donc, notre postulat de départ, c'était de ne pas trahir le fonctionnement des AMAP en proposant un outil et en fluidifiant toute la prise de commande et le paiement en ligne de tous les paniers et de tous les contrats. Donc sur Biotoutcourt, on se connecte, on retrouve en fait les producteurs à côté de chez soi, on peut passer une commande avec un achat ponctuel ou un abonnement. Mais du coup, tu parlais de greenwashing, Catherine, il y a aussi le techwashing. Alors pourquoi cette plateforme Biotoutcourt, justement, c'est pas un piège de la technologie qui crée du lien, crée des intermédiaires, déshumanise ? Non, du tout, parce que je crois qu'il faut vivre avec son époque. Je crois que le digital au service, j'ai une phrase que je répète souvent, c'est pas parce qu'on fait du digital qu'on n'est pas humain. Dans notre façon de travailler, de contacter les gens, les producteurs, les artisans, les consommateurs aussi, certains nous appellent, les responsables de circuits courts, on dit, nous, on veut justement prioriser l'humain. Et tout le temps qu'on passe à gérer ses contrats, etc., c'est pas humain. C'est de la comptabilité, c'est de l'administratif, ça n'a rien d'intéressant. Depuis que les AMAP qui nous ont fait confiance ont basculé sur Biotoutcourt, ben finalement, alors on va dire en dehors de la période Covid, où là c'est un peu compliqué l'organisation des distributions, bien nous, comme entre octobre 2019 où on a commencé à utiliser l'outil, jusqu'en mars 2020 où tout s'est un peu bloqué, on démultipliait les animations, les dégustations, on faisait venir plus de producteurs parce qu'on se disait, bah tiens, bah oui, on peut le faire parce qu'on est dégagé du temps inutile en comptabilité et en administration de contrat. Et on s'était rendu compte aussi que finalement, à chaque fois qu'il y avait un souci sur un contrat ou quoi que ce soit, c'était toujours aux dépens du producteur. C'était rarement aux dépens du consommateur. Il fallait vraiment toujours aller récolter les chèques sur les derniers qui n'avaient pas donné leur chèque. Alors, on essayait de dire, bah, vous allez tous venir le même jour, au même moment, mais ça faisait des files d'attente importantes, etc. Et nous, on voulait vraiment préserver cet aspect humain. Donc, le digital doit servir, et c'est un peu comme l'informatique en entreprise, d'une certaine façon. C'est la colonne vertébrale, l'informatique et le digital, et la colonne vertébrale, mais ce n'est pas une fin en soi non plus. Absolument. C'est vraiment notre conception. Quand on a conçu notre outil Biotoutcourt, on l'a voulu, on a soigné ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, ouais, même absolument. Si on peut toujours mieux le faire. Et ben, génial que tu présentes ça. Et donc, du coup, c'est biotoutcourt.com. Vous allez voir, le site est très très bien fait. Et puis en plus, du coup, on parle effectivement de circuits très courts. Il est fait pour être simple d'accès. Mais ce que j'aime aussi, c'est que vous avez quand même voulu apporter de la complexité et de la transparence dans votre démarche. Et donc, on voit aussi très bien comment sont réparties les contributions, notamment quel est le lien exact avec le producteur, pourquoi on parle vraiment de circuit court et qu'est-ce que ça veut dire d'animer un groupe d'adhérents et de producteurs, etc., etc. Bref, je pense que, comme tu le dis très bien, on utilise l'outil non pas comme une fin, mais comme un moyen. C'est pas, tiens, créons cet outil pour créer un outil et occuper notre temps, mais au contraire pour accélérer, comme tu le dis, un sujet qui est en fait un enjeu crucial de la transformation de notre société, de la relation aux producteurs, à notre territoire et à notre alimentation. Et pour ça, bravo. Catherine, c'était passionnant cette première partie. Hâte de partir avec toi en 2030 glorieuse. Et en attendant, on a cette petite pause, cette petite interlude pendant laquelle tu nous ouvres une fenêtre d'inspiration à travers une lecture que tu as apportée avec toi. Laquelle est-ce ? Alors, cette lecture, elle fait partie de, on va dire, du remake du Contrat naturel de Michel Serre. C'est un livre qu'il a écrit de mémoire en 1988 et en 2018, il a décidé de le reprendre et de changer quelques aspects et de le revisiter compte tenu de cette trentaine d'années passées. C'est un livre qui indique que le monde est confronté à une urgence environnementale et qu'il faut s'adresser de façon urgente à nos contemporains. J'ai trouvé que ça avait du sens, donc je vais en lire un petit extrait. Catherine, on t'écoute. Thank you. Par mon truchement, ces grandes voix demandent que l'on veuille bien effacer de nos lois et dispositions le terme d'environnement. Nos anciens distinguaient en effet les choses qui dépendent de nous de celles qui n'en dépendent point. Nous apprîmes récemment, au risque de notre survie, que nous dépendons désormais des choses qui dépendent de nous. Autrement dit, le monde, chose et vivant, ne forme pas, comme nous le disons avec arrogance, une circonférence dont nous occuperions le centre, c'est-à-dire le pivot, le pôle d'attraction ou le commandement, mais doit devenir un partenaire avec lequel négocier en permanence et en particulier signer le contrat dont j'ai parlé jadis. Car le thème que je refuse dérive du latin « vetere » qui signifie « tourner ». En ce cercle, jadis vaniteux, devenu désormais dangereux, nous sommes à la fois le sujet du monde, qui est notre objet, et l'objet du monde qui agit soudain comme notre sujet. Jadis, nous placions notre terre au centre du monde parce que nous y habitions. Nous avons dû déplacer ce centre au soleil, puis ailleurs, puis nulle part. Nous avions nommé copernicienne la première de ces révolutions et cette image concernait seulement notre connaissance. Vanité des vanités, nous nous prenions pour le soleil. Or, nous devons aujourd'hui, dans la réalité de notre existence, nous décentrer en nous déplaçant, comme le monde, sur la circonférence de ce cercle, en auto-alimentation. Bouté hors du centre, le narcissisme humain subit une nouvelle humiliation, bien nommée puisqu'il s'agit à la fois de l'humus, de la terre et de l'homme. Vitale en effet, cette révolution à deux planètes conjuguées ne décrit donc plus un environnement, mais une réciprocité en temps réel. Nous vivions du monde et des vivants comme prédateurs ou parasites, nous devons devenir des symbiotes. Le contrat naturel que ce devenir implique suppose deux partenaires à situation équivalente et à droits égaux. Merci Catherine pour cette lecture. Dans ce que tu dis, j'entends le slogan qu'on entend souvent dans les manifestations pour le climat qui dit que, en fait, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est un peu ça. C'est moins bien dit, mais plus puissant, je trouve, encore plus direct. C'est vraiment le coup de poing et l'idée de reprendre sa place parmi la nature, bah c'est justement ce que nous avons réussi à faire. Nous sommes, ça y est, en 2030 glorieuse, dans une époque où l'être humain a réussi à faire à nouveau preuve d'humilité pour reprendre une place de protecteur, de régénérateur, mais aussi une place d'humilité de négociateur auprès de la nature, comme le dit très bien Michel Serres dans ta lecture. Et c'est le voyage le plus dépaysant et le plus écologique que tu n'as jamais fait. Ça va pas être évident parce qu'on va faire ce jeu que d'être en 2030 glorieuse dans un monde qu'on va décrire ensemble, qu'on va imaginer ensemble, et donc on parlera au présent alors que nous nous trouvons dans le futur, et nous avons l'obligation, le devoir de le décrire du mieux qu'on peut, parce que bah voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, elles sont restées dans cette triste époque qui est 2021, où il y a encore tant de choses à faire, mais en même temps tant de possibles aussi, tant de personnes qui s'activent, et c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en avant. Donc nous sommes en 2030 glorieuse, Catherine, tu regardes par ta fenêtre ou tu regardes dehors en fonction de l'endroit où tu es. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux nous décrire? Qu'est-ce que je peux voir? Je l'espère. Je peux voir un monde un peu plus tolérant, un monde où chacun trouve sa place, un monde apaisé, où je dirais que les choses se font pas aux dépens les uns des autres, mais en toute convivialité et en toute bienveillance. Ouais, cette bienveillance, d'ailleurs, on la retrouve largement auprès des agriculteurs qui, il y a 10 ans en arrière, avaient une bien mauvaise presse, une bien mauvaise image, souvent accusés de tous les maux alors qu'ils croulaient sous la pression des lobbies, sous une pression économique, sous la pression de leurs dettes, sous tout un tas de choses qui faisaient que leur travail était très entravé, alors qu'aujourd'hui, au contraire, la France, en 2030 glorieuse, est à nouveau fière de ses agriculteurs, fière de ces personnes qui façonnent le territoire, mais qui permettent aussi de nourrir avec des aliments de qualité toute la population. Ça change tout, ça, hein. Alors, ça change tout, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire les agriculteurs. Il y a certains types d'agriculteurs qui travaillent correctement, d'autres pas encore. Pour moi, il ne s'agit pas de les opposer. Il s'agit, pour pouvoir avancer et les faire avancer dans leur cheminement intellectuel, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui sont dans le conventionnel. Moi, vous ne m'entendrez pas, je défends l'agriculture responsable biologique, mais vous ne m'entendrez pas dire de mal de ces producteurs qui souvent ont été acculés à investir pour avoir plus de terrain, pour produire davantage, pour acheter plus de matériel. Et à un moment, ils se laissent enfermer, ils se laissent même dicter le prix de leur lait, par exemple, si on prend les éleveurs bovins. Et puis à un moment, ben, ils n'arrivent plus à vivre de leur production. Ces gens-là, il faut les aider à se sortir de ces impasses. On aura toujours des producteurs de l'intensif, j'espère de moins en moins, mais la nouvelle génération de producteurs qui arrive et dans un sens de changer un peu la donne et de faire un peu plus attention à sa terre et à lui-même aussi et aux consommateurs de façon indirecte. Et d'ailleurs, en 2030 Glorieuse, Catherine, on n'appelle plus l'agriculture conventionnelle agriculture conventionnelle. En fait, il y a eu un changement de paradigme total et même agriculture responsable, c'est un peu un terme désuet. Aujourd'hui, on parle d'agriculture naturelle puisque vraiment on suit les principes de la nature dans les pratiques agricoles. Exactement. L'idée est d'envisager d'être que la nature soit un peu holistique dans sa façon d'être perçue d'une certaine façon. Et c'est un ensemble qui fait le tout et c'est pas quelque chose d'isolé. Et on parle plus trop non plus de consommateurs, puisque consommateurs, ça nous laissait justement dans ce triste seul pouvoir d'achat qu'on avait il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, on est des partenaires des agriculteurs parce que on les soutient. Et ça aussi, c'est un rapport qui change radicalement notre manière, bah voilà, de voir le monde, de voir l'économie, de voir notre alimentation. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est une façon de vendre aussi sa production en partenariat avec des gens qui souhaitent s'alimenter au mieux, au plus proche de celui qui produit. Et tu le disais, hein, il y avait une sorte de séparation un peu. Est-ce que toi, tu avais réussi à échapper un petit peu dans ta jeunesse entre l'urbain déconnecté de la nature et puis le provincial, même si moi qui suis un provincial, j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, qui est lui plus proche, c'est vrai, des éléments naturels. Aujourd'hui, il y a eu plein de manières de reconnecter l'être humain au processus naturel, et notamment à la fabrication, à la production de notre alimentation. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns? Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête là pour nous redonner un peu de... Des fonctionnements de. Ben, il y a différents modes de reconnecter. Hein. Il y a, donc, on parlait des amas tout à l'heure. Il y a des drives fermiers, il y a des circuits très courts que BioTout-Court crée aussi, département par département, ville par ville. Cette création de circuits courts avec, de façon à reconnecter. J'ai eu. Dans le passé, j'ai connu le monde avant la grande distribution. J'ai connu la grande distribution. Aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de s'adapter, mais de reconnecter vraiment dans ces multiples formes le contact direct avec celui qui produit ou qui transforme. Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller jusque-là. Alors, peut-être que ta vision différera, mais dans un livre que j'ai lu il y a quelque temps qui s'appelle Écotopia, Ernest Kallenbach proposait des services obligatoires, comme à l'époque il y avait des services militaires, il y a très longtemps pour les générations de mes parents en tout cas. Aujourd'hui, il y aurait un service que je vois moi comme un service éco-volontaire et pourquoi pas une sorte de woofing obligatoire auprès des agriculteurs, auprès des paysans, auprès des fermiers pendant quelques mois au sortir des études. Ça, en 2030 glorieuse, ça a de la gueule. Hein. Ben, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt même bien. Alors, ça a quand même déjà débuté. Ça avait débuté, tu veux dire. Hein. Quand tu parles au présent, on est en 2030, et quand on parle au passé, on est en 2021. Je sais, c'est compliqué. Ah, oui, c'est dur, hein, cet exercice. Donc, ça avait débuté. ça a débuté, je ne sais pas comment l'exprimer, mais dans les années 20, il y avait vraiment déjà cette volonté d'insertion, de reconnexion par la nature, d'une certaine façon. Il y a des services civiques également, de gens qui veulent comprendre et pourquoi pas, qui veulent en faire leur métier. En 2030, ce n'est plus que des balbutiements, c'est installé. Vraiment, de plus en plus de producteurs se sont installés parce que la vente en circuit court permet de vivre décemment de son activité. Ouais, on est dépoussiéré finalement de certaines choses qui sont trop polluantes, qui fait que la rentabilité pour pouvoir vivre décemment de son activité n'est plus dépossédée. Et aujourd'hui, de par un producteur qui s'engage à ne faire que de la vente directe, va gagner correctement sa vie très rapidement. Et en 2030 Glorieuse, on s'est rendu compte à quel point, en fait, le métier et le milieu agricole, il était un formidable champ des possibles, puisque, en fait, il y a tout un tas de programmes de réinsertion des personnes à la marge. Alors, parce qu'ils se sont retrouvés en prison, parce qu'ils ont eu des difficultés dans leur vie, dans leur vie professionnelle. Il y a tout un tas de programmes de réinsertion qui se fait par le travail au champ. Il y a 10 ans en arrière, on parlait des jardins de cocagne, on parlait du travail aussi d'apprenti d'Auteuil sur certaines missions. Aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui s'est généralisé. Et donc, voilà, on a des passages où les gens remettent la main dans la terre pour un peu se reconnecter à eux-mêmes. Emmaüs aussi a commencé dans les années, dans ces années-là, et aujourd'hui déploie et permet de créer de l'emploi pour des gens qui se sont un peu égarés de l'activité économique d'une certaine façon. Oui, tu as raison, Emmaüs. Hein. Il y a 10 ans, il le faisait avec dans la vallée de la Roya, notamment avec les migrants. Cédric Héroux portait ce message, et donc du coup, ça aussi, dans une situation où dans les décennies à venir, 2030 glorieuse, c'est le cas déjà, mais en fait, ça va être en accélération parce qu'il y a de plus en plus de migrants climatiques. Ça, on n'a pas le choix. Les températures continuent à augmenter, même si on commence à peine à réguler tout ça. Les migrants climatiques qu'on accueille, justement, ils ont aussi des emplois qui sont créés dans les champs. Où l'abandon de plus en plus de grandes machines et d'utilisation des énergies fossiles fait qu'on a besoin de cette main-d'œuvre à nouveau et que les emplois dans le milieu agricole reviennent, ça c'est sûr. Oui, et ça c'est vraiment, c'était un besoin des années 2000. Aujourd'hui, c'est de reconnecter par rapport aux besoins et puis permettre à tous ces gens-là de s'intégrer et de vivre décemment de leur activité, qu'ils soient en agriculture ou qu'ils soient salariés d'une exploitation, ce n'est pas de l'esclavage. Toi qui disais être une urbaine il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, en tant qu'urbaine, j'imagine que tu as assisté avec plaisir à la transformation de nos villes, puisque si on n'est pas retombé en 2030 glorieuse dans le mythe de la ville qui réussit à vraiment être en autonomie totale au niveau de la production, puisque c'est aujourd'hui dans le déploiement des villes trop difficile, on a quand même réussi à remettre dans la ville la production de tout un tas de produits, notamment parce que la voiture ayant disparu des centres, on a pu permettre de revégétaliser les anciennes places de parking ou les anciens parkings. On a aussi installé tout un tas de toitures végétalisées sur ce qui était à l'époque encore des grands centres commerciaux. Il y a eu quand même une transformation de la ville qui est assez enthousiasmante pour remettre la nature au cœur de tout. Hein. Exactement. Ça avait démarré par les jardins partagés, quelques jardins ouvriers, les fermes urbaines sur les toits, de façon à ce que... Et puis, on enlève progressivement le macadam pour reverdir dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens du terme. Et comme tu le dis, ce n'est pas une opposition tout noir, tout blanc. Il y a aussi l'utilisation de la technologie qui est encore présente parce qu'elle nous permet de créer du lien aussi. Et quand elle est utilisée comme un outil de vraiment faciliter cette transformation de nos vies et de nos villes et de nos assiettes. À quoi ressemble Bio tout court après 10 ans de déploiement, de développement, d'amélioration et de propagation à tout le territoire ? Alors, Bio tout court ressemble à un outil d'aide réel pour les producteurs, un outil qui est toujours sans frais pour les producteurs depuis sa création en 2018. Donc ça, c'est vraiment important. Un outil qui n'est pas intermédiaire de commerce, puisque l'outil n'encaisse pas les sommes, ne fait pas d'achat-revente, donc n'encaisse pas les sommes. L'argent va directement de celui qui consomme, ou en tout cas qui s'alimente, pour changer le terme, et qui va directement aux producteurs. On est toujours là, mais au lieu d'être une petite centaine de producteurs, aujourd'hui, quasiment, c'est l'outil indispensable des producteurs qui produisent de façon vertueuse, et que en quelques dizaines d'années, la balance s'est inversée, finalement, et il y a beaucoup, beaucoup, les labels n'ont plus trop d'intérêt, puisque finalement, la majeure partie est produite sans pesticides d'ajouter, et c'est ça qui est merveilleux. Et pour Bio tout court, ben, c'est la fierté d'accompagner tout cet écosystème là modestement, discrètement, et c'est vraiment Bio tout court est une entreprise à mission dès le début, et de faire partie de ces entreprises que l'on voit de plus en plus héberger dans cette catégorie, puisqu'il y a une utilité vraiment sociale dans ce que nous faisons. Mais justement, cette utilité sociale, cette dimension sociale, tu le disais il y a 10 ans en arrière, vous animiez des temps d'échange, de découverte, de partage des bonnes pratiques, et même vous avez réussi à faire en sorte que l'outil devienne à lui-même une sorte de réseau social, hein. On retrouve des groupes qui peuvent échanger en ligne parce qu'ils sont liés par un producteur, par une AMAP. Eh bien oui, puisque finalement c'est un outil virtuel d'une certaine façon qui crée des circuits courts qui permettent aux producteurs d'avoir des achats groupés, puisque le producteur peut pas se déplacer pour apporter les commandes si c'est pour deux ou trois paniers. Il est obligé de le faire dès lors qu'il y a des groupements. Donc, on recrée des écosystèmes partout sur le territoire pour que les gens aient le réflexe de commander directement auprès des producteurs. Et ça s'est très, très bien développé pendant toutes ces dizaines d'années. Et on arrive à un magnifique résultat. Les gens ont compris que les hypermarchés, c'était pas fait pour acheter des légumes. Voilà, on est passé sur autre chose. Et des festivals, hein, dans la vraie vie, des festivals, des circuits très courts que vous animez partout en France et qui sont en fait directement dans les fermes, directement dans les champs, pour encore une fois rompre complètement cette barrière. Exactement. Donc, le plaisir de partager les pratiques, ça fait partie de l'ADN des producteurs et des artisans, d'expliquer comment ils travaillent, pourquoi ils le font, quelle est l'influence des choses. Et tout ça s'apprend assez facilement parce qu'il y a cette volonté de transmission qui est très forte. Ouais, une volonté de transmission qu'on retrouve aussi forcément avec les enfants, à travers des programmes éducatifs, à travers de plus en plus de camps, de visites organisées directement auprès des producteurs. Il y avait ce lien à recréer, et les enfants, c'est les premiers émerveillés des miracles de la nature. Et oui, et puis ça suscite des vocations également. C'est ça l'intérêt. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, être agriculteur, c'est plus devenu quelque chose qu'on héritait un peu de parents à enfants, mais effectivement des vocations qu'on comprend. Et puis comme on le disait, la fierté étant à nouveau là, un enfant qui dit « Ah bah tiens, je veux être agriculteur », c'est pas du tout vu comme une sorte de désescalade sociale ou un fardeau familial à assumer. Et au contraire, c'est hein. Ouais. Bien au contraire. Beaucoup, pendant les deux dernières décennies, beaucoup de producteurs ont dû prendre leur retraite, et il y a tout un élan de génération qui s'est mobilisé, de reconversion professionnelle, de gens plutôt intelligents qui se disent « moi, je vais le faire », et qui le font de la meilleure manière possible. Et on a réussi à développer une agriculture vraiment intelligente, éthique, responsable, et c'est une vraie fierté pour notre territoire. Une fierté qui en plus provoque fatalement et donc heureusement aussi des rencontres entre générations, et cette transmission, elle est clé dans la reconnaissance du savoir et du pouvoir et de l'importance des plus âgés dans nos sociétés. Bien sûr, bien sûr. Et du maillage de la population, il est important, effectivement, que chacun puisse, à son échelle, à son niveau, cultiver son pré carré, d'une certaine façon, que ce soit dans un jardin partagé au pied de son immeuble, puisque maintenant, tous les immeubles ont des jardins au pied. Il n'y a plus forcément de pelouse, tout est cultivé par les habitations, encouragé par les pouvoirs publics. Ça s'est développé en quelques années et aujourd'hui, les espaces verts sont des espaces verts et potagers finalement, avec le compost qui va bien systématiquement. On fait moins de déchets puisqu'on composte plus facilement ces produits, on achète moins de choses suremballées, voire quasiment plus. Donc on consomme d'une autre façon. Ouais, je les vois, hein, je les vois tous ces jardins, effectivement, ces 2030 glorieuses où l'alimentation, en fait, est plus devenue l'un des secteurs les plus polluants, les plus destructeurs, mais au contraire, un lieu de régénération permanente. On l'avait vu, ça, il y a plus de 80 ans avec les Jardins de la Victoire à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des pays comme le Canada, les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, entre autres. Il y avait eu cette volonté de dire, en fait, qu'une des meilleures manières de vaincre l'ennemi était de jardiner. De reprendre une autonomie alimentaire et de cultiver partout. Et certains pays comme ça avaient réussi à augmenter de manière assez drastique en quelques mois, quelques années seulement, leur production agricole. Et donc du coup, avec des circuits très très courts, ces Jardins de la Victoire aujourd'hui, ils sont revenus partout. Et j'aime cette idée qu'on puisse, grâce à ça, nous reprendre en tant qu'être humain un pouvoir régénérateur, un pouvoir d'apporter quelque chose au monde plutôt que de seulement prendre. Et ça fait un bien fou de l'entendre, ça fait un bien fou de le discuter avec toi. Toi d'ailleurs, Catherine, c'est ma dernière question en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, moi, je ne sais pas s'il y a un âge pour la retraite. Je pense que malgré tout, je suis dans cette catégorie boomer et je crois que bien que l'entrepreneuriat, je pense être toujours active, mais peut-être avoir transmis aux salariés de Biotoutcourt l'entreprise avec grande fierté et de voir ces choses avec bienveillance en m'occupant de mes petits-enfants. Ouais, c'est sûr que tu l'auras bien mérité, effectivement, après tout ce travail. J'ai pris un plaisir fou à être dans ces 2030 glorieuses avec toi. C'était vraiment passionnant. Moi ça également. M'a donné envie d'y être. On est de retour en 2021. Ça y est, on n'a plus besoin de se faire des nœuds au cerveau pour savoir à quel temps on doit prendre la parole. Les personnes qui nous ont écoutés, je suis sûr qu'elles sont comme moi très, très impatientes de rejoindre ces 2030 glorieuses. Maintenant, il faut les matérialiser. Quel est le conseil que tu leur donnes justement pour les faire exister dès aujourd'hui ces 2030 glorieuses ? Le conseil, c'est de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Je crois que c'est le meilleur des conseils qu'on peut donner et qu'on a le droit d'avoir fait des bêtises, de ne pas être toujours exemplaire surtout. Je crois qu'il ne faut pas être un ayatollah de ce qui est parfait, puisqu'on devient intolérant dans ce contexte-là. Donc, à faire son chemin, chacun à son niveau, en étant conscient de chaque chose que l'on peut faire et qui fait du bien. Alors peut-être que certains diront que il y a urgence, j'en suis consciente, mais je crois qu'on peut faire évoluer les choses, pas par la force, mais par vraiment encore cette idée de bienveillance et d'accompagnement vertueux. Je crois que c'est ce que tu as montré à travers ton exemple pendant toute cette interview, cette capacité à effectivement faire preuve de bienveillance, d'envie de rassembler, tout en étant d'une exigence et d'une ambition quand même assez folle, puisque l'idée de dire, bah tiens, j'en ai marre de voir que des revendeurs, je veux des maraîchers, je veux recréer ce lien, et donc je vais me lancer dans la concrétisation d'une AMAP sur mon territoire, c'est quand même pas rien, et ça incarne cette possibilité d'à la fois accepter, rassembler, accueillir, et de tendre la main au plus grand nombre tout en agissant comme si presque chaque journée était la dernière. Hein. C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il me paraît vraiment important que chacun fasse son chemin. Ça me paraît vraiment évident. Il y qu'à un moment, beaucoup de gens parlent de quête de sens, etc. C'est vraiment, je souhaite à chacun de pouvoir trouver sa propre voie, sa voie qui va lui permettre de trouver le sens d'une vie plus apaisée. Merci Catherine. Merci Julien. Oh là là, mais elle était tellement géniale cette interview avec Catherine, là, c'est 2030 Glorieuse, je m'y voyais. C'est vrai que reprendre l'alimentation pour en faire non pas le pendant destructeur de notre humanité qui effectivement pile les sols, les épuise et puis en plus les pollue avec tout un tas d'entrants en dérégulant complètement les écosystèmes et puis aussi en esclavagisant les autres espèces puisque notre alimentation actuellement cause la mort de milliards et de milliards d'animaux chaque année, et ben voilà, on reprend une alimentation qui est vertueuse, qui est au service du vivant dans sa globalité, de l'être humain, et puis voilà, d'un circuit économique, social qui crée du lien, qui crée de la valeur, mais pas que de la valeur monétaire, plein d'autres choses. Voilà, on a parlé de cette place de l'alimentation et donc du milieu agricole qui va réensemencer toutes les étapes de nos vies, que ce soit à l'école, dans nos expériences professionnelles, dans nos expériences bénévoles et forcément dans nos expérience aussi de citoyen à recréer ce lien étroit avec les producteurs, les agriculteurs, les fermiers, les paysans. C'est génial, ça m'a tellement donné envie. Je parle beaucoup trop vite avec cette énergie. Mais bon, voilà, j'espère que vous y êtes vu. Quelques conseils que je rajoute en plus de ce que suggérait Catherine, bah forcément, allez voir la plateforme Bio Tout Court. Si vous avez la possibilité de rejoindre une AMAP à côté de chez vous, n'hésitez pas. En fait, même si vous êtes une personne, un couple ou vous avez une grande famille, il y a forcément des paniers qui s'adaptent et donc une offre qui vous conviendra forcément. Et puis surtout, ça vous permet de rencontrer les gens directement qui sont à l'origine de notre alimentation. Si pour vous, ça, c'est pas possible, la première chose de base, en fait, ça serait d'aller faire le marché et d'arriver à voir quelles sont les personnes qui vendent directement leurs produits. D'avoir cette conversation sur la saison, sur les récoltes, sur les techniques utilisées, ça aussi, c'est peut-être même le tout premier lien qui peut être refait avec notre alimentation. Voilà, ça c'est dit et forcément, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode que j'espère aussi passionnant. Allez, salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !